Vous êtes à l'antenne de CKRL au 89.1 et pour clore, vous écoutez Futur Saint bien sûr, et pour clore cette émission spéciale sirop d'érable, on va se tourner maintenant vers le domaine de la médecine, car figurez-vous que le sirop d'érable n'est pas seulement ce doux liquide sirupeux, sucré et ambré, c'est aussi une maladie. Et c'est Mustapha Lor qui va nous faire découvrir cette maladie. Bonjour Mustapha. Bonjour Valérie. Toujours dans la thématique d'aujourd'hui, je vais aborder une maladie. Il ne s'agit pas de la maladie de ne pas pouvoir résister à la tentation de manger du sirop d'érable ou quelconque addiction, non, mais je suis venu parler plutôt d'une maladie un peu plus grave pour cause, c'est une maladie orpheline. Alors de quoi il s'agit ? Comme vous l'avez annoncé dans le titre, c'est la maladie du sirop d'érable. C'est une maladie génétique caractérisée par un mauvais fonctionnement d'une enzyme qui s'appelle, le nom est un peu barbare, c'est la décarboxylase 3-cétoacide achine ramifiée. Assez barbare. un petit surnom peut-être ? Ouais, ça, on va l'appeler BCKD. Ouais. Le sigle anglais. Donc, cette enzyme est responsable de la transformation des acides aminés branchés que sont la leucine, l'isoleucine et la valine. Ces trois acides aminés qui sont présents naturellement dans les protéines des aliments que nous ingérons, ils vont s'accumuler sans être détériorés et puis ils deviennent toxiques dans l'organisme et causent des dommages notamment neurologiques. Donc ça, c'est la maladie, la description de la maladie, mais c'est quoi le rapport avec le sirop d'érable ? Oui, ça, à part être dans la thématique, c'est quoi le rapport ? C'est que cette maladie, appelée aussi la leucinose, ou le déficit en cétoacide décarboxylase, elle tire son nom original du fait que les enfants malades, ils ont des urines dont l'odeur spéciale ressemble à celle du sirop d'érable. Ah ! Ça vient de là. Cette maladie est dite rare ou orpheline, elle est dite de telle parce que dans la mesure où sa prévalence est assez faible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle ne touche pas beaucoup de monde, et heureusement, elle touche un cas sur 185 000 à peu près. Donc il faut dire qu'elle touche indifféremment les hommes et les femmes, quelles que soient leurs origines ethniques. Des taux plus élevés sont toutefois constatés dans des populations où les mariages sont mixtes. Et quelles sont les conséquences de cette maladie ? Comment elle se manifeste en fait ? D'un point de vue métabolique ou biologique, je vais dire, la maladie est causée par le fait que le corps est incapable de dégrader correctement certains acides aminés, notamment ceux que j'ai cités, la leucine, l'isoleucine, la valine. Donc cette enzyme BCKD déficiente, elle va provoquer l'accumulation de ces acides aminés dans le corps à des niveaux toxiques. Dès lors, ces acides aminés et leurs produits secondaires s'accumulent dans l'organisme. Vu que des taux élevés de ces substances sont toxiques par rapport au cerveau, et des autres organes, l'accumulation entraîne de sérieux problèmes médicaux. Mais qu'est-ce qui fait que le corps n'a plus cette habilité à dégrader certains acides aminés ? Pourquoi cette enzyme est déficiente ? L'origine est tout simplement génétique. La maladie est due à des mutations sur deux gènes présents sur le chromosome 19 et trois autres gènes sur le chromosome S7. C'est compliqué en plus, ça fait plusieurs gènes. C'est ça, donc il y a l'intervention de plusieurs gènes. Et puis, il faut surtout comprendre que les personnes atteintes de cette maladie se retrouvent incapables d'accomplir des fonctions métaboliques de base. Il faut rappeler que la grande majorité des aliments que nous consommons tous les jours sont composés, bien évidemment, de protéines. Ça va de la viande jusqu'aux œufs, en passant par les légumes, le fromage ou les fruits. À part l'eau, je n'ai pas en tête un aliment dépourvu à 100% de protéines. Il y en a toujours un petit peu. Même le sirop d'érable évoqué aujourd'hui contient des protéines. Oui, je pense que Christiane l'a mentionné, je pense. Non, Christiane ou Karine l'a mentionné, qu'il y avait des acides aminés. C'est sûr, on ne mange pas du sirop d'érable pour faire de la musculation ou prendre de la masse musculaire. Tu ne fais pas ça. Mais sachez qu'il y a des protéines. Donc après, pour bien comprendre l'incidence de la maladie, il faut garder en tête un peu le concept des protéines, c'est-à-dire que toutes les protéines sont formées d'acides aminés. Une protéine équivaut à une suite d'acides aminés liés les uns aux autres dans un ordre particulier selon une séquence donnée. Et puis, en général, on donne l'image d'un collier de perles où chaque perle est un acide aminé mis bout à bout. Il forme le collier qui est la protéine. Donc, on dénombre Pour la culture générale, on dénombre principalement 20 acides aminés, dont les trois cités auparavant, la valine, la leucine et l'isoleucine, qui, eux, ont la particularité d'être, d'un point de vue chimique, ils sont branchés, donc sans rentrer dans le détail, s'ils ont une chaîne carbone un peu plus longue. Et puis, donc l'organisme est censé dégrader la protéine en acides aminés, puis convertir ces acides aminés pour en tirer de l'énergie ou pour fabriquer d'autres protéines. Dans le but de croissance ou de développement, mais c'est à ce niveau-là que ça va bloquer. On peut plus dégrader. Donc si l'enzyme, je sais plus, BCKD ne fonctionne pas, on peut pas dégrader les protéines. On peut pas dégrader les trois acides aminés. C'est ça, les acides aminés branchés. On peut plus métaboliser ces trois-là, puis on est bloqué à cette étape-là. D'accord. Donc ils s'accumulent dans l'organisme. Pour faire histoire courte, moi je dirais que les malades, ils sont en quelque sorte, ils deviennent entre guillemets des allergiques aux produits riches en protéines. Mmh. Et est-ce que la maladie est bien connue ? Tu parles d'une maladie orpheline. Est-ce qu'elle est quand même caractérisée, cette maladie ? En général, les maladies orphelines, elles sont moins étudiées que la moyenne des maladies. Mais elle est quand même, moi je dirais plutôt oui, parce qu'elle est, même s'il reste beaucoup encore à faire, les données, elles ne sont pas abondantes. Déjà, la prévalence, il y a peu de malades. Et puis, il y a peu de chercheurs aussi qui travaillent sur ce genre de thématiques. En préparant cette chronique, moi je me suis rendu compte que c'est bien étudié aux États-Unis. Et puis, malgré ce que l'on peut croire, l'origine de la maladie n'a aucun lien avec le Canada ou le Québec. Ça n'a rien à voir avec la consommation du sirop d'érable. Et donc, quels sont les symptômes de cette maladie ? Comment ça se manifeste ? Les symptômes de la maladie sont nombreux, puis ils peuvent varier en fonction de la forme de la maladie, et puis ils peuvent varier d'un malade à un autre. Le premier symptôme qui est détectable à peine 12 heures après la naissance, c'est l'odeur du sirop d'érable qui se retrouve dans le cerf humain, ou ce qu'on appelle plus communément la cire d'oreille. Donc cette cire d'oreille des bébés ou des enfants va avoir une odeur caractéristique de sirop d'érable. Après, on peut aussi voir que la concentration des acides aminés que j'ai évoqués tout à l'heure, qu'elle est élevée dans le sang, comme ils ne sont plus métabolisés, ils se retrouvent entre autres... À part le sang, il se retrouve aussi dans l'urine et ça lui confère aussi l'odeur de sirop d'érable. Après, il y a des symptômes beaucoup plus graves que ça. Dans la forme aiguë, le nourrisson manifeste des troubles de la conscience, un refus de boire, il gagne du poids lentement, il présente des vomissements et des signes neurologiques d'intoxication. Il peut éventuellement aller jusqu'au coma profond, même malheureusement, ça peut entraîner la mort du nourrisson. Dans la forme subaiguë, les révélations sont plus tardives et puis ça se caractérise par une diminution de l'alimentation en 2 à 3 jours, une apparition... de problèmes neurologiques graves, des encéphalopathies entraînant un retard mental ou des troubles respiratoires, des spasmes, des crises épileptiques. Mm-hmm. Enfin, le spectre est assez large des symptômes. Mais un nourrisson qui présente la forme subaiguë et qui n'est pas pris en charge rapidement a un pronostic d'évolution très défavorable puisqu'il meurt dans les premiers mois de vie. Lorsque la maladie n'est pas traitée, elle conduit à des lésions cérébrales et une progression... une dégénérescence progressive du système nerveux qui peut être fatale comme j'ai évoqué. Mais toutefois le traitement permet cependant d'assurer un développement mental normal. Donc il y a un traitement qui existe C'est quoi ce traitement? Au début on pratiquait plus des dialyses pour abaisser le niveau de ces acides aminés branchés dans le sang, mais c'est de moins en moins utilisé pour la complexité de la chose. Donc on va avoir recours plus à des supplémentations d'acides aminés, mais sans les acides aminés branchés. Ouais. On va contrôler le contenu en acides aminés. Donc comme ça, naturellement, les excès de valine, leucine et isoleucine, qui peuvent provenir d'autres sources, bien évidemment, soit endogènes ou exogènes, enfin ça dépend, si ça vient du corps ou d'autres endroits. Donc ces excès des acides aminés branchés, ils vont être directement utilisés par le corps pour faire sa synthèse protéique. Mais il n'y a plus d'excès qui proviennent de la nourriture. Donc pour les enfants, justement, on va faire des préparations spéciales avec des préparations qui vont contenir tous les nutriments nécessaires, tels les vitamines, les minéraux, les sucres, mm-hmm. les acides aminés, justement pour leur croissance, avec des réajustements qui sont faits en continu pour adapter justement la composition des préparations au métabolisme de l'enfant et de sa croissance. Donc, ce régime ou cette diète, on va dire, représente ici une thérapie à vie pour l'enfant et qui, dans ce cas-là, est amenée à être responsable devant son alimentation et puis à bien adopter ce mode de vie. Ça demande de la vigilance. Oui, surtout, on essaie de toujours responsabiliser l'enfant par rapport à sa maladie. Donc, et puis, il y a aussi une autre alternative, il faut le souligner. Elle consiste en la greffe du foie d'une personne qui est non atteinte de la maladie. Il faut savoir qu'un foie sain contient assez d'enzymes pour métaboliser correctement les acides aminés branchés. Donc, on peut alors se passer du régime dont je viens de parler. Et puis, on n'a plus de risque de faire une crise grave. Toutefois, les malades sont toujours porteurs de la maladie et peuvent donc la transmettre les gènes défectueux à leur descendance. C'est vrai, et puis, le risque aussi, c'est que les greffés, bien évidemment, sont tenus à prendre des médicaments à vie pour éviter tout risque de rejet de la greffe. Exact. Donc, de toute façon, c'est pas une maladie très heureuse. On entraîne la maladie à vie, donc on entraîne le traitement. Heureusement qu'elle est rare, comme tu le disais. Ben, merci beaucoup, Mustapha, pour cette découverte insolite sur la maladie du sirop d'érable. Merci à vous.